Toujours en Corée, la fabrique d'eau minérale de Gwangso a nouvellement installé les processus de production de l'eau minérale à bouteille plastique ayant la capacité de production annuelle des milliers de tonnes. Ainsi, sa productivité a augmenté à 120%. En plus, la fabrique a mis sur pied un nouveau processus de lavage pour diminuer la perte de l'énergie électrique et accroître davantage la capacité de stérilisation établie dans le cadre du système intégral de production, le système de commande PLC, selon les processus de production de l'eau minérale à bouteille plastique et réaliser l'aseptisation et le dépoussiérage. L'eau minérale de Gwangso est très reconnue aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays par son efficacité aux troubles fonctionnels du foie, à l'obésité, au diabète et à d'autres maladies du système digestif.